On va parler du tournoi Bantam qui se déroule, qui commence ce soir. Il y a deux tournois qui vont débuter coup sur coup. On va parler avec Pierre-Luc Ménard. Salut Pierre-Luc. Oui, salut David, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. 44e édition cette année, 22 équipes. Encore une fois, c'est un très beau tournoi. Oui, effectivement, c'est encore bien répondu à l'appel cette année au niveau des inscriptions, donc on est très content. OK. D'où est-ce que ça vient? Ben, comme d'habitude, on a nos équipes là, d'un peu partout dans le coin de Québec. On a un petit peu de Montréal, deux équipes de Montréal. Cette année, la seule affaire qui nous manque, c'est peut-être une équipe doublelette de l'extérieur de la région n'a pas été capable. OK. Dis-moi, évidemment, l'extérieur de la région, c'est pas facile, hein, parce qu'il y a tellement de tournois, même avant les fêtes de même, là. Ouais, effectivement, peut-être le fait qu'on soit loin, on va dire, que les gens ont peut-être peur des tempêtes, mais malgré que c'est le premier tournoi de la région, c'est tôt dans la saison, donc il n'y a pas vraiment de risque de tempête, mais les gens de l'extérieur, ça peut leur faire peur. Donc, ça dépend. Des années, on est chanceux, on va chercher une équipe doublelette, c'est comme ça. OK. Vous avez un réseau de contacts, j'imagine, pour ça, hein? Ben, c'est sûr que nous, ça fait 4 ans, donc normalement, on commence tôt, OK. recrutement à partir de fin août. On publie sur le Babillard d'Hockey Québec, quand même un Babillard qui est assez actif, donc normalement ça fonctionne bien. Ouais. OK. Pierre-Luc, président d'honneur, est-ce qu'il y en a cette année? Je sais que j'ai refusé parce que manque de temps, mais est-ce que vous avez réussi à trouver un président d'honneur par la suite? Oui, évidemment, oui, on a ben, notre président d'honneur cette année, c'est Steve Tremblay d'IGA, Ah, Monsieur ben c'est bon Tremblay, ça. nous fascine. Ouais, Steve, ça reste que c'est lui qui était là pour m'épauler pendant les 4 années comme état-major. Donc, Steve, cette année, il a accepté avec joie là, d'être là à côté de nous. OK. Dis-moi, c'est un bon choix, ça. Dis-moi maintenant, si on y allait avec les matchs qui débutent ce soir. Ben, en fait, drette ce soir, c'est deux matchs de B, donc à 6 h, donc ça commence à l'instant. On a les Rebelles de Chicoutimi qui vont affronter les Bulldogs de Saint-Félicien. À 19 h 15, on a notre première équipe locale, les Jeunes d'Alma, qui vont affronter nos Loups du Lac-Saint-Jean-Nord. Donc, à 19 h 15, donc ça commence ce soir avec notre équipe locale dans le B. OK. Et dis-moi, évidemment, on rappelle aussi que les passes d'entrée aussi, c'est important, c'est toujours abordable. Ça coûte autour de 20 $ pour tout. Ça te donne le droit, c'est ça? Ben, le coût en dual, c'est 15 $ pour la passe du tournoi de tous les jours, 6 $ le jour, une OK. journée, puis pour ce qui est du 13-17 ans, c'est 5 $ pour tout le tournoi, puis 2 $ pour la journée. OK, on rappelle évidemment qu'il y aura plusieurs reportages en provenance du secteur de Mississinie. Est-ce qu'il va y avoir des matchs du côté de Dolbeau cette année? Ben oui, vu qu'on a 22 équipes, on a quand même plus de 40 matchs. Donc, on va avoir des matchs à partir de 1 h jusqu'à 6 h vendredi à OK. Dolbeau. Et on va avoir des matchs de 8 h jusqu'à 7 h à peu près samedi. Donc, on a 12 matchs en fait à Dolbeau. OK. Et évidemment, autre IGA qui est un commanditaire majeur, j'imagine qu'il y a d'autres commanditaires. J'ai vu, il y a Jean Coutu, je pense qu'il est là-dedans également, c'est ça? Nomme-les donc. Oui, ben il y a Jean Coutu, Garma Impression puis Desjardins qui sont des commanditaires majeurs de l'événement. OK. Donc on a vraiment 4 avec IGA. Sinon, ben on a tous nos autres commanditaires là, sont Argent puis Bronze, Renommée, Laiterie Labbé, Jean Dumas, Motochi des Pères, La Ville, Chocolaterie des Ouais. Pères Trappistes, Sport Expert, puis Salle de Quai, Philippe Couillard, tout ça. Là. On a quand même OK. plusieurs qu'on est content. Une chance qu'on Donc, les a. évidemment, ça peut pas se faire sans évidemment ces nombreux commentaires. Ben, Pierre-Luc, à compter de demain matin, autre reportage qu'on va mettre en ligne. Parfait, merci. Notre ami Pierre-Luc Ménard.